Activité 3. The dictionary the bookseller showed George and Hélène was too big. Trop gros. Listen to some other examples of trop, followed by a describing word or adjective, and repeat the French. First, too small. Trop petit. Next, too difficult. Trop difficile. And lastly, too important. Trop important. Now listen again to what Hélène told the bookseller about the dictionary. Je suis désolée, monsieur. Ce dictionnaire est peut-être très utile, mais il est trop gros pour nous. It's too big for us. Il est trop gros pour nous. Hélène was speaking for two people, herself and George. Now you say, it's too big for us. Écoutez l'exemple et répétez. C'est trop gros pour nous. Maintenant, avec les mots pour moi, for me, dites en français, say in French, it's too far for me, et répétez la bonne réponse. And repeat the correct answer. Le voici encore. Here it is again. It's too far for me. C'est trop loin pour moi. Maintenant, dites ceci en français. It's too difficult for me. C'est trop difficile pour moi. Pour terminer, finally, avec les mots pour nous, for us, dites en français, puis répétez la bonne réponse. It's too small for us. C'est trop petit pour nous.